Donc, je vous souhaite le bonjour, mes frères et sœurs, et nous allons ensemble ce matin regarder un sujet qui me tient à cœur, qui me donne de la joie d'enseigner. Et nous allons regarder ensemble Philippiens, chapitre 1, et surtout le verset 6. Des fois, on va dire de quelqu'un, il est tellement convaincant et convaincu qu'il pourrait vendre des congélateurs aux Esquimaux dans le Grand Nord. Pour pouvoir être persuadant, il faut être soi-même persuadé. Oh, je peux être persuadant avec un mensonge. Mais si je suis moi-même persuadé par la vérité, je peux persuader les autres aussi de la même vérité. Laissez-moi vous lire quelques versets. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, notre évangile ne vous ayant tant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. Donc, Paul ici, il dit, oui, il y avait la puissance, oui, il y avait le Saint-Esprit, mais oui, il y avait aussi de la persuasion de notre part. Dans Actes 26, verset 28, Paul dit à Agrippa, Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et dans Actes 19, verset 8, Paul dit, « Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » Donc, Paul était toujours en train de vouloir persuader les autres de la vérité en Jésus-Christ. Mais parce que lui était aussi persuadé. Laissez-moi vous lire des choses, des versets qui vont vous montrer que Paul était persuadé lui-même. Romains 14, verset 14, je sais et je suis persuadé par le Seigneur. Dans Romains 15, verset 14, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Dans 2 Timothée 1, 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Louis, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Dans 2 Timothée 1, 12, c'est à cause de cela que je souffre de ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc, Paul il dit qu'il était persuadé que Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Mais il dit aussi dans Philippiens, ce que nous allons voir ce matin, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Paul était persuadé que Dieu avait le pouvoir de garder le dépôt qui était fait à son nom. Mais aussi, ceci le rendait aussi persuadé que Dieu ferait aussi la même chose pour les autres. Pourquoi est-ce que Paul est si persuadé et persuadant? « Quand nous autres, on dit des fois, je suis persuadé que telle chose va arriver, je suis persuadé que telle personne va faire telle chose, souvent on est déçu. Souvent on est déçu. Et souvent, ça, les gens peuvent nous avoir déçus intentionnellement ou accidentellement. Parce que ces gens-là ne sont pas au contrôle de tout ce qui les entoure. Moi, je peux être persuadé qu'en fin de semaine, je vais faire telle chose, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver qui finalement, même si je suis bien intentionné et je suis plein de persuasion, peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Mais Paul est persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pourquoi est-il si persuadé? Pourquoi est-il si persuadé que Dieu va le faire pour lui et pour les autres? Et le plus important ici, pour nous, ce qui amène Paul à être tant persuadé que ce qui a été commencé va être terminé. C'est parce que ça ne dépend pas des Philippiens. C'est parce que ça ne dépend pas de Paul. C'est parce que ça ne dépend pas de moi ou de vous. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, le celui ici, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Si nous croyons à quelque part, de quelque façon que ce soit, que ça dépend de nous, vous ne pourrez jamais être persuadé. Si c'est vous ou moi qui avons commencé en nous une œuvre de salut, on ne pourra jamais être certain que ça va se terminer. Si nous croyons que Dieu est en réaction à notre foi, ou à notre repentance, ou à notre contrition, on ne peut pas être certain. Qu'est-ce qui dit qu'on ne changera pas notre foi, ou notre repentance, ou notre contrition? Mais si Dieu, c'est Dieu qui a commencé en nous cette bonne œuvre, et à cause qu'il a commencé en nous cette bonne œuvre, on s'est repenti et on a cru. Là, on peut être sûr, parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre. Et ça, c'est important qu'on puisse bien le réaliser, ça. Ce n'est pas vous, mais c'est lui. Il a commencé en vous. Le mot vous ici, c'est qui? C'est les Philippiens. C'est les croyants. C'est ceux qui ont fait profession de foi. C'est ceux qui manifestent leur foi en Jésus. C'est les chrétiens de Philippe. Dieu n'a pas commencé cette œuvre en tout le monde, mais il a commencé une œuvre en quelques personnes précises. Donc, ce que Paul parle ici de ce que cette bonne œuvre-là qu'on va voir tout à l'heure, c'est quoi? Il ne parle pas de quelque chose qui est général à toute l'humanité. Mais en vous, c'est spécifique à quelques-uns. Quand a-t-il commencé cela? Quand a-t-il commencé cela? Et là, il pourrait avoir différentes réponses. Sais-tu quand il nous a prédestinés selon Éphésiens 4, avant la fondation du monde? Paul parle-t-il de quand Dieu a commencé, quand il nous a régénérés, quand cette élection qui avait été faite avant le commencement du monde a été appliquée par l'œuvre de cet esprit en nous, qu'on appelle la régénération? C'est de ce moment-là qu'il parle. Quand il a commencé en nous, par la régénération, c'est-tu quand il nous a donné la repentance? C'est-tu quand il nous a donné la foi? C'est-tu quand il nous a donné l'Esprit-Saint? C'est-tu quand l'Esprit-Saint est venu habiter en nous après notre repentance et notre foi? C'est-tu quand il nous a donné la justice de Jésus-Christ? C'est-tu quand il nous a donné la vie éternelle? Je crois que toutes ces réponses pourraient être bonnes. Donc, on peut retourner dans le temps passé, dans l'éternité, quand Dieu a prédestiné, a élu les Philippiens et nous. Quand il a commencé cette bonne œuvre en nous, il va la terminer. Il va l'emmener à la perfection. Ce n'est pas vous qui avez commencé. Ce n'est pas vous qui avez déterminé le quand. C'est lui. Quand il nous a prédestinés, quand il nous a appelés, quand il nous a régénérés, quand il nous a donné la repentance, quand il nous a donné la foi, quand il nous a baptisés du Saint-Esprit, quand il nous a donné le pardon de nos péchés, quand il nous a donné la justice en Christ, quand il nous a donné le Saint-Esprit, quand il a commencé en nous l'œuvre de la rédemption. C'est lui qui a commencé en nous, ou en vous, Philippiens, cette œuvre. Qu'est-ce qui est compris dans ce bon œuvre? Donc, c'est l'œuvre du salut ici. Il a commencé une œuvre en nous, et cette œuvre, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de nous pardonner nos péchés, mais il veut sauver toute notre être, esprit et corps, et afin qu'on devienne comme Jésus-Christ, comme ce Jésus-Christ ressuscité. Donc, c'est ce qu'on appelle le salut, la justification, la sanctification et la glorification. Quand il a commencé ça en nous, afin que nous puissions devenir des serviteurs et des servants de Jésus-Christ, des adorateurs de Dieu pour l'éternité. Il a commencé en nous cette bonne œuvre-là, dans les temps éternels passés. C'est lui qui l'a commencé. C'est lui qui voulait nous sauver. Ce n'est pas nous qui voulons être sauvés. C'est lui qui voulait nous sauver. En Adam, frères et sœurs, quand nous avons péché, nous avons fui Dieu. Nous sommes allés nous cacher dans les branches. Ce n'est pas nous qui avons voulu être sauvés. C'est Dieu qui est venu vers Adam et Ève pour les sauver. Et c'est lui qui est venu qui a fait la promesse d'un rédempteur. C'est lui qui a fait la promesse qu'un jour, Satan sera écrasé sur le talon de la prospérité de la femme. C'est lui qui voulait ça. Ce n'est pas nous. Oh, dans sa grâce, dans l'œuvre du Saint-Esprit, par la régénération, il nous a emmenés à désirer et à vouloir. Et on y a mis toute notre volonté. Nous avons dit oui. parce qu'il nous avait élus, régénérés, donné la foi et la repentance et l'Esprit Saint. Il nous a rendus désireux du salut. Mais l'apôtre Paul ne dit pas seulement qu'il a commencé, lui, en nous, cette bonne œuvre de salut, mais qu'il va l'emmener à la perfection. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il va rendre cette œuvre-là parfaite. Il va l'emmener à la perfection. C'est pour ça que je crois à la persévérance des saints. Les saints vont persévérer jusqu'à la fin parce que Dieu va persévérer. Dieu a décidé qu'il va rendre à la perfection celui ou celle que lui a choisi. Souvent, les chrétiens pensent que oui, Dieu m'a justifié et ça dépend de lui seul. Et ensuite, quand on parle de la sanctification, là, ça dépend de Dieu et de nous. Même notre justification, ça dépendait de Dieu et de nous. Il m'a prédestiné, il m'a appelé. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Volontairement, pleinement, j'ai dit oui parce qu'il y a comment... m'emmener à dire oui. Et la sanctification, c'est la même chose. Ça dépend de lui. Mais je vais y travailler. Mais je vais y travailler seulement parce que ça dépend de lui. 100% ça dépend de lui. Laissez-moi vous lire quelques versets. 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu de paix qui sanctifie lui-même, tout entier, être, esprit, âme et corps. C'est lui qui le fait lui-même. Et à cause qu'il le fait, je vais le faire aussi. Dans 1 Thessaloniciens 5:24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je vais vous lire un autre verset de 2 Thessaloniciens 1:11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Paul prie ici et il prie Dieu. Par sa puissance, qu'il accomplisse les desseins bienveillants de sa bonté, cette bonne œuvre qu'il a commencée. Paul sait que ça dépend de Dieu. Mais si Dieu le fait, nous le ferons. Dans 1 Pierre 5:10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Pierre est convaincu que c'est Dieu qui va faire cela, en nous. Je ne suis pas en train de dire que nous ne ferons rien, mais toute la sanctification que vous allez faire en vous, c'est parce que c'est lui qui va le faire en vous. Dans 1 Corinthiens 1, verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, il va vous affermir jusqu'à la fin. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Frères et sœurs, ça dépend de lui. Je vais être impliqué dans ma sanctification. Parce que lui est impliqué dans ma sanctification. Et je ne pourrai pas me glorifier de ma sanctification. Dieu me doit rien parce que je travaille à ma sanctification. C'est parce que je reconnais que si je travaille à ma sanctification, c'est parce que lui, il travaille avant moi. Je suis seulement qu'un répondant. Dans Philippiens, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous ici, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Paul ici, dans le même texte, dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Juste après, il dit, faites toutes choses. Là, il implique notre volonté, il implique notre désir. Si je ne désire pas la sanctification, si je ne travaille pas à ma sanctification, je suis obligé de dire ou de comprendre que Dieu n'est pas en train de travailler en moi. Et que Dieu n'est pas présent en moi, que son esprit n'est pas présent en moi. Si son esprit est présent en moi, et que cet esprit m'a justifié et m'a régénéré, cet esprit aussi me sanctifie. Donc, il va avoir en moi ce désir d'avancer dans ma vie chrétienne. Faites attention. Ici, par le mot sanctifié, cette bonne œuvre, ce serait donc important qu'on saisisse que cette sanctification-là ne veut pas dire une absence de péché dans ma vie, mais un combat contre le péché. Mais cette sanctification-là, je la déterminerai aussi comme l'apôtre Paul qui dit le renouvellement de l'intelligence. Cette sanctification-là, c'est de comprendre de plus en plus ce qui est bien versus ce qui est mal. Cette sanctification-là, c'est d'enlever dans ma tête tout ce qui cette mauvaise compréhension-là de la personne de Dieu, de la personne de Christ, de son œuvre, de son plan. Nous, on pense toujours que la sanctification, c'est juste que je vais faire moins de péchés. Je ne crois pas qu'on va en faire moins des péchés. Parce que si je compare dans ma vie, si je compare dans la vie des chrétiens, si je regarde dans la vie des vieux chrétiens, ils pêchent continuellement tous les jours. Et je crois plutôt que c'est ce désir de connaître Dieu, de connaître Christ, de faire connaître Christ, de refléter le Christ autour de moi et de combattre le péché. Oui, je vais le combattre, mais tous les matins, je vais me lever et ça va être le même combat qui recommence, jusqu'à temps que l'œuvre ne sera pas rendue parfaite. Mais il y a de l'espoir parce qu'il va la rendre parfaite. Il l'a commencé il la continue et va la rendre parfaite. Paul il dit dans Philippiens, au verset 3, chapitre 3, verset 15, « Nous donc qui sommes parfaits. » Donc, nous sommes parfaits. Et il nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il nous a emmenés à la perfection en Jésus-Christ. Mais en même temps que nous sommes parfaits, nous sommes en train de devenir parfaits. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens qu'il nous amène à la stature parfaite de Jésus-Christ. La perfection va s'atteindre le jour où la chair sera sanctifiée. La résurrection va avoir le pouvoir, par la puissance de Dieu, de transformer ma chair. Comme l'Esprit a transformé, m'a régénéré dans mon esprit, dans mon âme, la résurrection va aussi régénérer ma chair. Et là, ça sera la perfection. Là, on pourrait dire qu'il y aura une absence de péché, totale et parfaite. Mais ceci va arriver au jour du Seigneur. Parce que dans cette bonne œuvre, Dieu n'avait pas seulement l'intention de sauver mon âme, mais aussi il avait l'intention de sauver mon corps. Et je dirais même, il avait même l'intention de sauver la planète. C'est pour ça qu'il va faire des nouveaux cieux, nouvelles terres. Il va donner un nouveau corps à mon âme, si je peux dire, à mon esprit, par la résurrection. Et tout ça va venir ensemble. Et va mettre en place un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau monde dans lequel nous allons pouvoir continuer à servir Dieu, adorer Dieu et louer Dieu pour l'éternité. Cette perfection-là n'aura pas lieu avant le jour du Seigneur. Même quand je vais mourir, oui, je vais me rendre dans la présence de Dieu. Oui, je vais être parfait, je ne pécherai plus là. Mais mon salut ne sera pas complet tant que je ne serai pas régénéré dans ma chair et que mon esprit et mon corps soient ensemble dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, pour l'éternité. Là, je pourrais dire, je suis totalement sauvé. Frères et sœurs, à cause que Dieu est parfait, il ne pourra jamais laisser une œuvre commencer imparfaite. Si Dieu me laissait en cours de chemin, ben ça reflèterait un Dieu imparfait. Dieu fait quelque chose, puis il laisse aller, puis il l'abandonne. Il le laisse imparfait. Non, quand Dieu commence une œuvre en quelqu'un, il l'amène à la perfection, parce que lui-même est parfait. Comment c'est rassurant pour vous et moi? Le fait de comprendre que lui va persévérer avec moi, c'est ce qui me donne la grâce de persévérer aussi. Combien j'ai vu de chrétiens découragés. Et quand je leur demandais pourquoi ils étaient découragés, c'est parce qu'ils comptaient sur eux. Il y avait des doutes que Dieu ferait ce qu'il avait dit, parce qu'ils n'étaient pas des bons chrétiens. Il y avait des doutes que les promesses de Dieu ne s'accompliraient pas à leur égard, parce qu'ils étaient trop pécheurs, ou qu'ils ne lisaient pas assez, ou qu'ils ne priaient pas assez, ou qu'ils n'allaient pas à l'église, ou qu'ils ne témoignaient pas assez. Non, frères et sœurs. Mais parce que je suis persuadé que l'œuvre qui a commencé en moi et va l'amener à la perfection, ceci me donne de la persévérance. Malgré que je vois en moi encore du péché et bien plus que j'aimerais n'en voir. Malgré que je vois dans l'Église tellement d'imperfections, tellement de péchés, de divisions, de querelles, de médisances. Je vois tellement de péchés dans l'Église, je suis porté à me décourager. Mais Dieu a commencé une œuvre avec l'Église. Et le jour qu'il va présenter cette œuvre, cette Église, à Dieu son Père, elle va être parfaite. Elle va être belle. Elle va être pure à 100%. Dans toute son entité, corps et âme, on va tous être parfaits. Parce que Dieu ne peut pas accepter en sa présence l'imperfection. Donc, il va nous emmener à la perfection, corps et âme. Il va nous présenter à son Père. Et nous allons vivre à nouveau, les nouveaux cieux, nouvelle terre, avec Dieu parfait. Vous savez, quand Dieu, dans l'histoire de la brebis perdue, quand Jésus trouve la brebis perdue, il la prend et il la met sur son dos. Il va la débarquer sur son dos, qu'elle va rentrer dans la présence de Dieu. Jésus n'a pas dit, bon, mais je te sauve, là, je t'ai retrouvé, suis-moi. Si tu ne me suis pas, mais tant pis pour toi, tu vas perdre un paquet d'affaires. Non, non. Il me prend, il me met sur son dos et il m'emmène dans la présence de Dieu. C'est lui qui fait toute l'œuvre. Oh oui, je loue, je prie, j'adore. Oh oui, je combats contre le péché. Mais tout ce que je fais de bien, c'est lui qui le fait en moi. Notre Père du ciel, merci de ce beau texte avec lequel tu nous encourages ce matin. Ceci ne nous pousse pas à la passivité, au contraire. Ceci nous donne la grâce de continuer malgré tout ce que nous pouvons voir de négatif dans le monde, tout ce que nous pouvons voir de négatif et de mal dans l'Église, tout ce que nous pouvons voir de péché et de négatif en nous, nous ne lâchons pas parce que nous savons que lui ne lâche pas en nous. Glorifie-toi dans nos vies.